Les rues virent sous nos pas. Raider ce qu'il a avant, chaque mouvement ne ment pas. L'ombre des buildings, la lumière des néons. Chaque monde digital est notre horizon. Chaque mission brûle, le cœur au rythme lourd. Raider ce qu'il guide, chaque pas devient parcours. Les cibles tombent, stratégie en silence. Le jeu nous élève, chaque flow est puissance. On trace notre route, les gens sur chaque map. Raider ce qu'il impose, aucun obstacle ne claque. Les néons reflètent nos ambitions, nos flammes. Dans ce monde de pixels, on laisse nos drames. Raider ce qu'il empire, nos noms gravés dans le code. Chaque victoire résonne, chaque souffle explose. Le beat nous porte, la base est notre royaume. Dans ce game univers, chaque flow est notre sort. On avance en peur, sous la pluie ou le feu. Raider ce qu'il domine, aucune trêve pour les bleus. Chaque adversaire tombe, surpris par notre force. Le game est notre loi, chaque attaque prend sa course. Les lumières s'éteignent mais le rythme reste. Chaque flow, chaque beat pousse nos gestes. Raider ce qu'il inspire, l'énergie est palpable. Dans ce monde virtuel, chaque moment est durable. La nuit est nôtre, le game est en feu. Chaque mission nous rapproche de ce lieu. Raider ce qu'il avance, aucune pause, aucune erreur. Chaque victoire devient un rythme, chaque pas un honneur. On construit notre empire, chaque flow une âme. Les mondes s'ouvrent, chaque beat nous charme. Raider ce qu'il mène, les gens numériques. Chaque pas, chaque son devient stratégie tactique. Raider ce qu'il empare, chaque nom vire dans le code. Chaque flow éclate, chaque monde explose. Le drill nous porte, l'univers est notre scène. Chaque victoire est pulsation, chaque souffle est reine. Les lumières s'éteignent mais les corps restent. Raider ce qu'il s'en va laissant l'empire manifeste. Chaque univers résonne, chaque pixel respire. Le gaming est amour et personne ne peut le fuir. Raider ce qu'il empare, Raider ce qu'il empare.